Chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil comme d'un vêtement, qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était sur le point de mettre au monde un enfant, et les souffrances et douleurs de l'enfantement la faisaient crier. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes, et une couronne sur chacune de ses têtes. Avec sa queue, il arracha le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se tint devant la femme qui allait mettre au monde un enfant afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Et la femme enfanta un fils qui dirigera toutes les nations avec une barre de fer. Mais son enfant fut emporté et emmené auprès de Dieu et de son trône. La femme s'enfuit dans le désert où Dieu lui avait préparé une place pour qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Alors, une bataille s'engagea dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon, et celui-ci se battit contre eux avec ses anges. Mais le dragon fut vaincu, et il ne fut plus autorisé, ainsi que ses anges, à rester dans le ciel. L'énorme dragon fut jeté dehors. C'est lui, le serpent ancien, appelé le diable ou Satan, qui trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Puis j'entendis une voix forte dans le ciel qui disait: maintenant, le salut de Dieu est arrivé. Maintenant, Dieu a manifesté sa puissance royale. Maintenant, son Christ a manifesté l'autorité qui est la sienne. Car l'accusateur de nos frères, celui qui se tenait devant notre Dieu pour les accuser jour et nuit, a été jeté hors du ciel. Nos frères ont remporté la victoire sur lui grâce au sang de l'agneau et grâce à la vérité qu'ils ont proclamée. Ils ont accepté de donner leur vie et de mourir. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui les habitez. Mais quel malheur pour la terre et la mer! En effet, le diable est descendu vers vous, et il est rempli de colère, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Quand le dragon se rendit compte qu'il avait été jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde le fils. Mais la femme reçut les 2 ailes d'un grand aigle pour voler jusqu'à sa place dans le désert, où elle sera nourrie pendant 3 ans et demi, à l'abri des attaques du serpent. Alors, le serpent projeta de sa gueule de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin que les flots l'emportent. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et avala l'eau que le dragon avait projetée de sa gueule. Le dragon fut rempli de fureur contre la femme, et il s'en alla combattre le reste de ses descendants, tous ceux qui obéissent au commandement de Dieu et qui sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Et le dragon se tint sur le bord de la mer.